Le surhomme en lui, il est obligé de réaliser une chose. Il est obligé de réaliser sa position. Vibratoirement, pas psychologiquement ou spirituellement. Vibratoirement vis-à-vis de lui-même. Et lorsque l'homme réalise sa position vis-à-vis de lui-même, autrement dit, la partie de lui-même qu'il ne connaît pas, qui est en dedans de lui, qui fait partie de son intelligence,